quand je partirai. J'espère que mes vœux seront exaucés. Je veux monter mais je suis toujours bloqué au rez-de-chaussée. Pourtant je fais que bosser, mais c'est pas plus rapide. Du coup j'ai comme issue de secours des escaliers qui puent la pisse. Ok, pour les miens je suis prêt à me briser le dos. Je suis le même depuis ma première console Nintendo. Ma famille je l'aime trop, et pour elle je suis resté simple et droit. Des adjectifs j'en ai une dizaine d'autres. Peu de fautes, méfiant de mon comportement. Bah ouais, beaucoup ont tort de mentir, du vrai on leur demande. Pas d'ordonnance pour soigner ce que j'ai dans le crâne. Marre de squatter les bancs crades et des antécédents graves. Les gens craquent, leur vie part en zigzag. Les gamins sont dit que ça, tant que l'argent remplit le sac. Envie que ça change vite, sachant que l'argent reste sale. Malgré les lits de détache, changer vite. Là j'en le vis, ma grippe là j'en le vide. M'attire mais je marche en scred et je mise sur la chance ray. Les marches en drève, les traites qui veulent que je batte en traite. Ou que je reste coincé dans ma chambre. Merde, ne gueule pas si t'as une trop petite voix. Les jeunes rêvent de foutre le feu comme en Côte d'Ivoire. Ouais la police boit, ne les provoque pas. Même si la drogue passe, tu feras jamais la paye de drogue pas. Au doigt de la vie, je veux mettre une grosse bague. Au toit de la vie, tu vas te prendre une grosse baffe. A ton avis, pourquoi les potos se battent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est cramés, ils ont pris une photo de face. Trop de phrases pour décrire la bousculade. Logique, on verse tous une larme. Les gosses possèdent tous une arme. C'est la crise, pas de gâteau ni la cerise. On continue le taf, mais je pense qu'on va vite canner à ce rythme. Crois pas que je ris, même si on a un avenir favorable. Y'a des gamins qui meurent pour du pétrole à Bassora. Y'a pas d'orage sans pluie, pas de rage sans flic. Drôle d'époque, on vit, même le courage s'enfuit. Et ces merdes qui abrutissent la masse. Nouvelle star Starac, plus de gamines sans mascara string. Plus de rempart strict, plus de rempart j'dig. Dans 6 ans maximum pour du fric, tout le monde baissera le slip. Drôle de trip, j'ai fait le tri entre mes potes et les débris. Fini l'époque des déprimes où j'étais triste. Ton invitation je la décline. La guerre de bande pourra les perdre dedans. Pour moi c'est de la perte de temps. Reste tendre et ta famille appréciera. Sur la violence fais une croix, tu seras tranquille après ce virage. Y'a eu tirage de maillot mais l'arbitre l'a pas vu. J'crois que ce type l'a abus, j'évite de justesse la bavure. Trop de choses à dire, 5 pages ne suffisent pas. Parle pas si tu vises pas, écoute pas si tu kiffes pas. Qu'est-ce qui se passe, j'crois qu'on m'attendait pas là. J'fais l'arbin dans les palages, j'ai la zik en dépannage. Moi j'lâche pas, j'dors pas, j'passe pas ma vie dehors. J'taffe fort pour mettre au mur de la daronne un disque d'or. On risque fort de passer au travers. J'aurais tout fait pour que le soleil puisse remplacer nos averses. Trop d'adversaires, y'a pas d'entraide. Les lâches t'attrapent en traite, pour comprendre y'a pas d'antenne. Bref, même si je sais qu'on sera peut-être pas d'accord, ça fait un bail que le respect nous claque la porte. Ici c'est moi d'abord, tu passes après. Les rancunes s'accumulent, on fait pas qu'une maladresse. Drôle d'époque, c'est même honteux de dire je t'aime. Allez je me casse, j'ai envie de vite finir ce texte.